Section 7 De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Joanne. Chapitre 13, 14 Chapitre 13, couronne partagée. Au midi de l'enceinte, sur la pente douce des galets, la cohue était au grand complet. Une cohue libre et à l'abri de ce frein que nos polices modernes passent dans la gueule du monstre. Une cohue sans gêne, la bride sur le cou, livrée à elle-même, bonne fille, mais quinteuse, gaie, mais vive et braillarde, un peu ivre, très querelleuse, et naturellement portée vers la dévotion des plaies et bosses. Il y avait des Normands et des Bretons, des jeunes et des vieux, des filles et des gars pêle-mêle. De ci de là, des ânes, des bidets, des charrettes attelées, engins de discorde. En effet, les propriétaires de ces bidets, ânes et carrioles, voulaient monter dessus pour mieux voir. Ceux qui étaient derrière ne voulaient pas. De là d'épiques bagarres qui jonchaient le sol de débris de coiffe, de lambeaux de vestes et de poignées de cheveux. Liberté, liberté chérie. Voilà comme quoi, sans le savoir, vous enfantâtes les gendarmes. Après cela, une fête où l'on ne se prend pas aux cheveux est-elle une bonne fête? Catiole la mareilleuse et Huguet l'archer avaient uni leurs épaules complaisantes. Le nain fier à bras s'asseyait dessus. Du haut de ce trône, où il achevait de grignoter une tourte d'Ardevon, fier à bras pérorait. « Voyez, disait-il, voilà un duc, je suis son échanson. Ceux qui voudront ma protection n'ont qu'à parler. Est-ce le roi Louis XI qui monterait ainsi à cheval? Notre duc gagnerait sa vie à être homme d'armes. » Un murmure courait dans la foule, et c'était un murmure d'admiration. Les qualités physiques produisent une grande impression sur le vulgaire. Ce duc François, tel qu'on le voyait ici, était en conscience le plus beau soldat de son armée. « Et vous allez voir comme il joue de la lance !» reprenait le nain qui souriait, on ne savait pourquoi. « Je suis son échanson, je connais ses talents. Tenez, le sixième chevalier après le duc, c'est le sire de Couetquen, mon ancien seigneur. Je n'ai point de mal à dire de lui. Belle éloge pour un maître. Hola, Marcou, Mathurin, Pélo, tous les gens de Kergariou, voyez un peu là-bas maître Jeannin qui a la colique. » Il y eut un grand éclat de rire. En ce moment même, Aubry apportait au pauvre écuyer une coupe pleine de vin. « Je vis autrefois le duc François à Nantes, » dit Mathurin sans dents. « Sur ma part de paradis, il n'était pas de moitié si gaillard que cela. Vous parlez de Jeannin. Le duc ressemblait à Jeannin pris de colique, et ce jour-là, le duc ressemble à Jeannin bien portant. » Mathurin sans dents obtint une huée de la foule et trois bourras de Goton, sa femme, à qui il faisait honte. « Voilà ce qui arrive à ceux qui disent la vérité trop vraie, vieil homme, » murmura fier à bras. « Écoutez-moi, vous autres. Si vous voulez savoir du nouveau, j'ai occupé un logis dans la salière du roi Louis, et je sais comme il parle à son compère, Olivier Ledain. Y en a-t-il un seul qui se puisse vanter d'avoir vu faire la barbe au roi? Ah ah! J'ai préféré ce matin l'honneur à la fortune, et je ne m'en repens point. Hier, vous me croyez rôti. De l'épreuve du feu, je suis sorti grand seigneur. Bretagne-Malo, Bretagne! Criez un peu pour empêcher les Normands de nous assourdir avec leur Montjoie Saint-Denis. » Une clameur générale, formée des deux cris de guerre rivaux, s'éleva au-dessus de la foule. Les trois escadrons qui étaient en lice s'ébranlaient à la fois pour faire le tour de l'enceinte. Les sergents d'armes venaient de suspendre au poteau les écus de France et de Bretagne. Les trompettes sonnaient des fanfares, c'était enfin la première scène du drame si longtemps attendu. Les trois groupes de chevaliers passèrent tour à tour devant le trône, et Louis XI agita la main bien gracieusement quand les Bretons le saluèrent. Si gracieusement que le duc de Guyenne dit tout bas à Chabannes, son voisin, « Mon cousin, il y a vipère sous roche. » Madame Reine rougissait de plaisir en voyant la belle mine de son fils Aubry. Le sire du Déron lui fit son compliment de bon cœur. En vérité, messire Aubry se tenait comme il faut. Et il était facile de voir que le duc de Bretagne le remarquait. Le duc s'était déjà retourné plus de quatre fois pour le mieux voir. En revanche, l'écuyer Jeannin, qui restait avec ses pareils au bout de la lice, ne semblait faire aucune attention à son jeune maître. Mais n'était-ce pas assez de Madame Reine, de Berthe, de Jeannine et de François de Bretagne pour s'occuper de messire Aubry? On vit tout à coup des pages sortir de la tente du roi. Ils vinrent suspendre à 15 pieux en terre 15 écussons, dont les 14 premiers furent reconnus pour appartenir au nouveau chevalier de Saint-Michel. Le 15e était de sable à la croix arrachée d'argent. Un cimier de comte le timbrait, et il portait pour devise « à la plus belle ». « Et tourneau que je suis !» s'écria Fierabrun. « J'avais oublié de vous dire que l'ogre des îles était présentement cousin du roi Louis et chevalier de Saint-Michel, au lieu et place de François de Bretagne. Mais patience. Avant que vienne le flux, s'il plaît à Dieu, vous en verrez bien d'autres. » Après avoir fait parade autour de la reine, salué le roi, salué les dames, les trois troupes de chevaliers reprirent leur place première. La joute commença par cette suite de duels muets et brillants où chaque homme d'armes ne donnait qu'un coup de lance. Mais Sire Olivier courut visière levée et désarçonna son adversaire. Il fut le premier applaudi, mais le regard des dames le perdit presque aussitôt dans la foule des champions, et depuis lors on le chercha en vain. Quelques minutes après, en revanche, on vit paraître un chevalier couvert d'une armure noire, sur laquelle les clous d'acier poli brillaient comme autant de diamants. Ce chevalier montait un cheval noir du Perche, d'une force extraordinaire. Il avait la visière baissée, et la banderole rouge qui flottait au bout de sa lance portait en lettres d'or ces mots « à la plus belle ». Le roi Louis XI fit un mouvement à sa vue, les dames chuchotèrent, le nain Fierabrun, baissant la voix malgré son effronterie, prononça le nom de l'homme de fer. Ce nom courut aussitôt de bouche en bouche dans la foule des bonnes gens échelonnées sur le galet. La cohue se prit à onduler comme une mer. L'homme de fer se mit à la tête des chevaliers des îles. Son cheval et lui demeurèrent immobiles, vous eussiez dit une statue équestre coulée en bronze noir. Le second, qui fit un beau coup de lance, fut Messire Aubry de Kergariou. Et Dieu sait si Madame Reine triompha, l'heureuse mère. Aubry, n'ayant pu obtenir réponse de Jeannin là-bas, au bout de la lice, avait gardé la lance que Messire Olivier lui avait fait remettre. Le sort le plaça en face d'un grand gaillard de Flamand qui vint sur lui au trot d'un cheval d'Alsace, lourd comme un éléphant. Aubry, à tout hasard, coucha la fameuse lance. Comme il se souvenait des nombreuses défaites subies par lui dans ses combats malheureux contre la Quintaine, il n'espérait pas beaucoup. Sa lance toucha le flamand. Le flamand fut enlevé hors des étriers et roula sur le sable, au grand contentement de l'assemblée. Aubry baissa la tête. L'élément viril naissait en lui, car il n'osa regarder ni Jeannine, qui avait les larmes aux yeux, ni sa mère, qui battait des mains, ivre d'orgueil. Sa lance le brûlait. Il avait honte de sa victoire. On mûrit vite à ces heures solennelles, sous le regard de ce grand juge qui s'appelle le monde. Aubry sentit sa conscience au bruit des applaudissements qu'il n'avait point mérités. Il s'enfuit au dernier rang des chevaliers bretons et cassa sur son genou l'arme déloyale. À dater de cette heure, Aubry était homme. Son père, mort, avait un fils digne de lui. Aubry prit une autre lance et attendit. Les chevaliers bretons et français continuaient de courir. Dame Joseph de la Croix-Mauduit saisit ce moment pour travailler d'autant à l'éducation de Bette et de Maître Bibrel. « Une chose remarquable et hors de doute, dit-elle, c'est qu'au mois d'août, le soleil du temps jadis éclairait davantage. J'en puis parler puisque je l'ai vu. À quoi sert maintenant de connaître à fond la belle science des honneurs et hommages ? Les souverains dédaignent ce qui fait leur grandeur. M'a-t-on seulement donné l'occasion d'offrir au duc une pauvre révérence de dignité première ? J'ai grand pitié de tout cela. Et qu'est-ce que c'est que ces armures qui ne reluisent point ? Je ne vois ici qu'un progrès, c'est en la personne de la dame de Torcy, qui est large comme deux châtelaines d'autrefois. Quant aux chevaliers, ils ont diminué de moitié. Je pense que leur destrier boite. Voyez ceux-ci qui courent l'un contre l'autre, n'ont-ils point frayeur de s'estropier ? Comment nommez-vous celui qui tient pour Bretagne, Maître Bibrel ? René de Chateaubriand, répondit le vieil écuyer. « Je l'ai connu, je l'ai connu !» s'écria vivement la douairière. « Il était au mariage du duc François Ier avec Madame Isabelle d'Écosse, un grand brun, manchot du bras gauche, pour la blessure qu'il reçut de vers mon contour. Celui-ci a ses deux bras, noble dame. Ce sera son fils, peut-être, » fit Dame Joseph qui soupira. « Je vis son fils au couronnement du duc Pierre, plus petit, un peu bossu de naissance. Noble dame, celui-ci est droit comme un i. » La douairière laissa échapper un second et plus gros soupir. « Serait-ce déjà son petit-fils » murmura-t-elle. « Le temps va vite. » Tant il y a, poursuivit-elle cependant, en reprenant courage, qu'à la passe d'armes du 9 juin 1434, donnez en la place d'Hélice à Rennes, du temps du duc Jean V, par le grand connétable, Arthur de Richemont. Je fus choisi pour dame de beauté. Je venais d'épouser en seconde noce Jacques Trublet, chevalier, seigneur de la Croix-Mauduit, et autres lieux. J'allais sur ma 35e année, mais nous gardions alors, à cet âge-là, tout l'éclat de la première jeunesse. Je me souviens que je fis au connétable 3 révérences de dignité seconde, en ajoutant le passe-pied pour le sang ducal dont il était. J'eus son bras, je dis le bras de monsieur le connétable, pour aller au château de la Tour-le-Bas, où était la collation servie. Et je me souviens qu'au 2e service, y compris le relevé, j'eus l'occasion « Regardez, noble dame, regardez !» s'écria maître Bibrel, qui se penchait en avant. Bette joignit les mains et resta bouche béante. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda la douairière. « On n'y voit presque point ici, et nous aurons bientôt la brune en plein midi. » Hélas, le soleil ruisselait sur le sable d'or, et les armures partout étincelaient. Ce n'était pas le monde qui vieillissait, mais bien les yeux de Dame Joseph. Heureusement pour les douairières qu'on allait bientôt inventer les besicles. Ce qui avait motivé le cri de maître Bibrel, c'était le choc terrible de 2 chevaliers qui avaient jeté leur tronçon de lance pour prendre la hache d'armes. On n'en était plus aux bagatelles. La joute sérieuse s'entamait. Les 2 chevaliers combattaient pour la couronne d'or émaillée que la dame de Torcy tenait à la main, et en ce moment même, les héros, désignant le prix à haute voix, exhortaient les 2 champions à bien faire. Il n'était pas besoin. L'un des 2 champions, dont l'écu n'avait ni armoirie ni devise, avait fourni la course à la lance en homme d'armes consommé. On disait autour de l'enceinte que c'était Jean, comte de Dunois. L'autre était l'homme de fer. Tous 2 y allaient de francs jeux. Leurs armures faisaient feu sous la hache et les débris de l'acier jonchaient déjà le sol. Un coup de marteau, asséné à 2 mains par Dunois, jeta l'homme de fer hors des arçons. Dunois mit pied à terre. Sa hache faussée lui laissa au coup suivant son manche dans la main. L'homme de fer lança la sienne au loin aussitôt. Cet ogre savait pratiquer les lois de la courtoisie chevaleresque. Ils dégainèrent en même temps et vinrent, l'un contre l'autre, l'épée haute. Le souffle de la foule s'enflait comme un murmure. Au loin, vers le nord, un autre murmure répondait. C'était la mer qui commençait à monter au bas des grèves. L'homme de fer et Dunois s'attaquèrent de pied ferme. Ce fut une belle lutte. Les plus vieux chevaliers en convinrent, et Marcou regretta qu'on ne fît point tirer la grenouille à ses 2 robustes compagnons. Au bout d'un quart d'heure, Dunois tomba sur ses genoux, et ses cheveux blancs s'échappèrent en longues mèches de son casque fendu. « Jean, mon ami, fit Louis XI en riant méchamment, tu as fait de ton mieux, mais tu n'as pas de bonheur. » L'homme de fer avait relevé son épée sans frapper. Les trompettes sonnèrent, Louis XI fit un signe, le roi d'armes jeta son bâton fleur-de-lysée entre les 2 combattants. Dunois, soutenu par Jean de Pleuc et Coëtivy, regagna l'extrémité occidentale de la lice. La foule applaudissait et criait. L'homme de fer, entouré des chevaliers de France, s'approcha de l'estrade qui fléchissait sous les beautés volumineuses de la dame de Torcy. Il salua le roi et les princes. La dame de Torcy s'appuya contre la balustrade et lui tendit la couronne qu'il reçut genou en terre. Puis il se remit en selle pour faire, comme c'était la coutume, le tour de l'enceinte. « Vizir levé, vizir levé !» cria la foule qui était dans son droit. Cette parade autour de l'enceinte n'était en effet que pour montrer le visage du vainqueur. L'homme de fer s'arrêta comme s'il eût hésité. « Belle dame, dit le roi Louis XI à ses voisines, il nous faut ici votre aide. Le comte Otto Beringhem a fait un vœu. Son casque ne s'ouvre qu'au commandement des dames. « Vizir levé, seigneur comte !» ordonnèrent aussitôt 3 ou 4 douces voix que domina la voix mâle de la dame de Torcy. La foule applaudit et cria. L'homme de fer leva la visière de son casque. La foule s'attendait à frémir. Elle avait deviné derrière cette griffe fermée le visage de l'ogre, c'est-à-dire quelque chose de terrible et de hideux, une barbe hérissée, une bouche large, armée de dents de loup, 2 charbons ardents au fond de 2 orbites caves. Celui-là était le mécréant, le sorcier, qui changeait en or le sang des enfants et des femmes. Nous faisons-nous bien comprendre. La fantaisie populaire est pleine d'étranges subtilités. Celui-là, pour la foule, était tout ce que nous disons, mais avec la condition du doute qui laisse place à je ne sais quelle admiration au milieu de l'horreur. Un voile mystérieux entourait les crimes du réprouvé. Le monstre faisait peur et non point dégoût, puisque la foule venait de l'applaudir. La foule ne savait pas. Jamais la foule ne sait. Cet homme la mettait en fièvre, et l'incertitude profonde où l'on restait à son égard le grandissait à la taille d'un géant. Depuis une demi-heure, son nom circulait de groupe en groupe, son nom redouté. Les femmes frémissaient rien qu'à l'entendre, et le cœur des hommes battait. Mais c'était des rumeurs et rien de plus. Sur 20 rumeurs qui glissent ainsi dans la cohue, y a-t-il seulement une vérité ? Pas souvent. Ceux-là même qui affirment ne croient pas. La parole du roi Louis XI, sanctionnant tout à coup les bruits vagues, en donnant raison à l'émoi de chacun, était déjà un coup de théâtre. Le roi Louis XI appelait l'homme de fer par son nom, Otto Beringhem. Le casque sombre où se balançait la plume rouge, renversé fièrement, allait-il montrer en s'ouvrant la face sinistre du démon ? Il y en eut qui fermèrent les yeux ou qui détournèrent la tête. La foule rendit un seul et grand soupir, puis une clameur monta, l'étonnement parlait. On avait cherché en vain la barbe hérissée, les dents de loup dans la bouche horriblement fendue et les charbons rouges dans le creux des orbites. Les femmes, qui avaient compté sur une paire de cornes, furent également trompées. C'était un beau jeune homme, si beau qu'on ne se souvenait point d'avoir jamais vu son pareil. On vit un front pur et doux, où tombaient, affaissées par la sueur, les boucles d'une chevelure de soie. Une femme eût souhaité ces anneaux brillants, noirs comme le jais, flexibles, et se balançant au pas mesuré du cheval, qui allait se jouant jusque sur les épaules, en prison, dans l'acier. Une femme eût envié encore l'éclat chatoyant de ses prunelles, qui semblaient humides, et qu'ombrageait la courbe hardie des sourcils. On vit une bouche souriante, un teint mat et blanc, une beauté, pour tout dire, qui eût paru molle et efféminée sans la mâle audace du regard, et cette nuance d'azur que la barbe rasée mettait à ses joues. Voilà pourquoi toutes les poitrines rendirent un souffle contenu et prolongé. La reine s'entourait d'un silence profond. Jeannine se tourna vers Berthe, qui était plus pâle qu'une morte. Madame Reine avait le frisson. Le sire du Déron et tous ceux qui la veille avaient accepté l'hospitalité en son hôtel restaient hors de garde comme si un choc les eût frappés. La seule personne qui ne témoigna aucune émotion fut la petite Jouanne. Et encore, c'était parce que le patour, mettant le comble à ses caresses champêtres, lui avait fourré la tête dans le sable et piétinait dessus. « Ah, ils ne sont pas embarrassés là-bas, pour se bien divertir !»« Je le savais bien, moi !» s'écria le nain fier à bras de sa voix perçante. « L'homme de fer et Messire Olivier mettent leur tête sous le même bonnet !» Ce nom d'Olivier vint aussi à la bouche d'Aubry stupéfait. Les lèvres de Berthe et de Jeannine le murmuraient. Dame Joseph de la Croix-Mauduit donna son faucon à Bette pour prendre son rosaire. Elle avait respiré, la veille au soir, dans le salon du Déron, le même air que l'ogre des îles. « Le connais-tu, Araignoir, noire, le connais-tu » demandait-on au nain de toutes parts. Fierabras se rengorgea. « J'ai voyagé ce matin sous son manteau, » répliqua-t-il, « et si j'avais voulu, il m'aurait acheté un domaine. » On se tut, parce que l'homme de fer, ce démon à visage d'ange, passait devant le front de la foule. Les chevaliers de France et ceux de Chauzet l'escortaient en cérémonie. « Que fait-il donc là ? » demanda Fierabras quand il fut éloigné. « On dirait qu'il a rompu en deux la couronne, » répondit Catiole la mareilleuse. C'était vrai. Le comte Otto, soit à dessein, soit par distraction, avait brisé le fil d'or qui retenait les feuilles et les fleurs de la couronne. Sa main tenait encore les deux moitiés réunies quand il salua le duc de Bretagne et sa suite. Les chevaliers bretons ne se joignirent point au cortège. Aubry, tout seul, au grand étonnement de sa mère, mit son cheval au pas de celui du comte Otto. Aubry avait-il surpris le regard que le comte vainqueur avait lancé vers l'estrade où étaient Berthe et Jeannine ? Le comte Otto arrivait au gradin noble. Quelques dames agitèrent leurs écharpes. C'était le moins qu'on pût faire pour un ogre si merveilleusement beau. L'homme de fer se comporta en galant chevalier, mais il ne lâcha point sa couronne et continua d'aller en avant. Il s'arrêta court devant l'estrade où s'asseyaient les hôtes du Déron. Sa lance s'agita par trois fois, déroulant au vent la devise « à la plus belle ». La foule noble des gradins et la pauvre cohue pressée sur les galets, curieuse l'une autant que l'autre, tendirent à la fois leurs mille têtes. Pour qui parlait la devise du comte ? On allait enfin le savoir. Le comte, en effet, suspendit la couronne à la pointe de sa lance. La devise éloquente donnait un sens précis à son hommage. Il s'inclina jusqu'à toucher du front la crinière de son cheval, et la lance, décrivant un demi-cercle gracieux, envoya la couronne à sa destination. « C'est à Berthe de Morvers, » fit une moitié des bonnes gens. « C'est à la fillette de Jeannin, l'écuyer, » dit l'autre moitié. « C'est à l'une et à l'autre, » s'écria le nain fier à bras. La couronne, au moment de tomber, s'était divisée en deux parties égales, dont une s'accrocha au voile de Berthe, tandis que la seconde restait sur les genoux de Jeannine. La banderole parlante ondulait entre les deux jeunes filles. Chapitre XIV. Comment finit la passe d'armes de Saint-Sulpice. On se demanda pourquoi le duc de Bretagne se laissait émouvoir par ce mince événement. Le duc fut en effet sur le point de s'élancer. Que lui importait le dénouement original de cette galanterie ? Ceux qui étaient du rose et qui connaissaient l'écuyer Jeannin furent grandement surpris au contraire de son impassibilité. Jeannin aimait sa fille à l'adoration, et son respect pour Berthe, la fiancée d'Aubry, n'avait point de bornes. Pourtant Jeannin resta immobile, nonchalamment assis sur la selle, aussi calme en apparence que si Jeannine et Berthe eussent été pour lui des étrangères. Le nain fier à bras aurait pu donner sur ce sujet quelques explications à la foule, mais l'échanson d'un duc est presque un homme d'état. Fier à bras se sentait venir de la prudence, il fut discret pour la première fois de sa vie. Un épisode nouveau vint distraire d'ailleurs l'attention générale. Tandis que les deux jeunes filles, changeant de couleur et les yeux baissés, demeuraient comme étourdies de leur équivoque triomphe, Aubry de Kergariou mit pied à terre et franchit d'un saut la balustrade qui ferait la lice. Il saisit vivement la moitié de la couronne qui était sur les genoux de Jeannine et la réunit à la seconde moitié, suspendue encore au voile de Berthe. L'homme de fer avait repris sa marche lente et regagnait l'extrémité orientale du champ clos après avoir salué une dernière fois l'estrade royale. Jeannine ne bougea pas, ses joues tout à l'heure si roses devinrent blanches comme le lin de sa gorgerette. Berthe rougit au contraire jusqu'aux nattes de ses merveilleux cheveux blonds. Chacune des deux jeunes filles interprétait à sa manière l'action d'Aubry. Jeannine le remerciait dans son âme, Berthe, heureuse et laissant voir naïvement la profondeur de sa joie, essuya ses yeux pleins de larmes. Aubry ne voulait point de partage. Aubry lui rendait l'hommage tout entier. Aubry, à la face des deux souverains, de tous les chevaliers et de la foule immense, se déclarait hautement son chevalier. Elle comprenait cela ainsi, la pauvre Berthe. Sa longue souffrance prenait fin à cette allégresse inespérée. Elle voyait devant elle, ouvert et radieux, le paradis des heureuses tendresses. Aubry redescendit les gradins, sauta en selle et se retrouva au milieu des chevaliers bretons qui s'ébranlaient pour entamer la seconde partie du tournoi. Ils étaient 15 qui marchaient au-devant des autres, le duc en tête, afin de toucher les écus suspendus au poteau de la tente royale. Aubry resta en ligne avec ses 15 lances d'élite, bien qu'il n'eût point été choisi. Le duc lui fit signe de s'éloigner. Aubry n'obéit pas. Bien plus, il devança le groupe des chevaliers poursuivants et alla donner de sa lance contre l'écu de sable à la croix arrachée d'argent. Madame Reine ne put retenir un cri en voyant cela. Son fils venait de provoquer au combat le plus terrible de tous les champions présents, le comte Otto Beringhem, l'homme de fer. L'écu de Beringhem rendit un son retentissant et prolongé. Berthe perdit ses belles couleurs. Jeannine essuya son front où perlait la sueur froide. Le duc de Bretagne fit comme Aubry, sa lance frappa l'écu de l'homme de fer. Les autres chevaliers choisirent des adversaires à leur gré. De Pleuc eut le sire de Laval. Goulen eut Estouteville, qui, soit dit entre parenthèses, était le seigneur et maître de cette considérable dame de Torcy. Rieux eut Bourbon. Couëtquen eut Comminges. L'Isle-Adam une ompare de Caumont, etc., etc. Parce que Dieu, s'écria Fierabrun, car moi et le roi nous jurons de la même sorte, mais sire Aubry n'y va pas par quatre chemins. Voyez s'il s'est retiré devant le duc. Aubry restait en effet en face de l'écu, malgré le défi de François qui avait suivi le sien. Otto Beringhem sortit de la tente. Il avait le choix entre ces deux provocateurs, mais le choix ne pouvait guère être douteux. Comment hésiter entre la fanfaronnade de ce pauvre enfant et le défi sérieux du duc de Bretagne? Otto n'hésita point, en effet. Il laissa de côté le duc et choisit l'enfant. Le duc fut réduit à toucher l'écu de Beaujeu. Les Bretons tournèrent bride pour prendre champ. Belle et grande joute cette fois, sauf le petit Aubry qui n'avait point encore gagné ses éperons, et que le duc de Bretagne, suivant l'opinion commune, aurait dû renvoyer à l'école. Poursuivants et tenants étaient tous chevaliers accomplis. La tension redoubla autour de l'enceinte. Dans l'enceinte, héros, sergents, écuyers se rangeaient aux places les plus favorables pour ne rien perdre du choc mémorable qui allait avoir lieu. Le seul être qui, dans cette réunion, ne montra aucune curiosité fut l'écuyer Jeannin. C'était à n'y point croire. Jeannin, le fier homme d'armes, qui avait usé sa vie au milieu des coups de lance, Jeannin, le soldat vaillant, Jeannin, qui voyait en outre engagé dans cette grave partie son élève chéri, le fils unique de son maître. Jeannin restait à l'écart, endormi à moitié sur sa selle, et aussi indifférent à tout ce qui se passait que si la joue eût été à 100 lieues de lui. Les gens du Rose remarquaient bien cela, Fierabras riait dans le collet de son pourpoint. Malgré sa prudence d'homme d'état, il grommela 2 ou 3 fois « vous allez voir, notre oncle Jeannin n'est pas mort !» Ma fille Joanne, ajouta-t-il, interpellant à haute voix la petite gardeuse d'oie qui avait le front, les joues et le cou plein de sable, c'est pour toi le patour que notre sire le roi de France a donné la fête. La demoiselle de sang noble qui reçoit la couronne, bouquet ou guirlande des mains du chevalier vainqueur, disait pendant cela dame Joseph de la Croix-Mauduit, encore est-ce parfois une écharpe brodée ou même un sautoir, suivant le caprice du maître des joutes. La dite demoiselle, si son éducation ne fut point négligée, doit se lever, rougir, trembler légèrement et faire 3 révérences tronquées pour marquer le grand trouble où la jette cette distinction inespérée. Elle doit en outre balbutier quelques paroles inintelligibles et telles que l'émotion les laisse échapper. Il n'est point mal qu'elle pose sa main au-devant de ses yeux pour parer à l'éblouissement qui la va prendre. Bête et vous, Bibrel, j'invoque votre double et loyal témoignage. Ma nièce a-t-elle vaqué à tous ses devoirs ? Comme maître Bibrel et Bête allaient répondre, les fanfares éclatèrent aux 2 extrémités de la lice. La terre ne trembla point sous le pas lourd des chevaux, parce que le sable inerte amortissait le choc. Mais il se fit un grand bruit de fer, et le vent souleva 2 tourbillons furieux. Les tourbillons se rencontrèrent au centre de l'arène, ce fut comme un coup de tonnerre. Fierabras battit des mains en voyant 2 Bretons et 3 Français mordre le sol. Le duc avait désarçonné Beaujeu. « Regardez, regardez !» s'écria le nain qui tendit ses 2 petits bras vers le quartier des Bretons. « La joute est close pour aujourd'hui, et nous allons avoir un autre spectacle. » Une chose étrange avait eu lieu. L'homme de fer, courant contre messire Aubry, avait évité le coup de lance de son jeune adversaire sans le frapper lui-même. Passant entre Aubry et son voisin Coëtlogon, il avait percé la ligne bretonne, et au lieu de se retourner comme les autres, il piqua des 2 vers la tente ducale. Auprès de la tente, il n'y avait plus que l'écuyer Jeannin. On put voir Otto Beringhem fondre à pleine course sur ce pauvre bon Jeannin sans défiance, le saisir par la ceinture, l'enlever d'un bras puissant et le coucher en travers sur le garrot de son vigoureux cheval. Madame Reine et Jeannine poussèrent ensemble un cri de détresse, mais ce cri fut étouffé sous la grande clameur qui s'éleva dans les rangs des chevaliers de Bretagne. « Trahison, trahison, sauvez le duc !» Le duc, ce n'était donc pas le bon Jeannin qui avait demandé à boire. C'était peut-être lui qui venait de désarçonner bel et bien le sire de Beaujeu. « Qu'est-ce cela ? » dit le roi paisiblement. Il savait ce que c'était, mieux que personne. L'échange des armures entre le duc François et Jeannin avait été décidé en conseil, devant 10 braves seigneurs, tous très discrets. Gare au secret gardé par tant de loyauté. Ce fut un continent, un tumulte effroyable. ce qu'il y eut de gens écrasés, nous ne saurions point le dire. Gothon accusa depuis Mathurin d'avoir profité de la bagarre pour essayer de l'étouffer dans la presse. « Bête, dit Dame Joseph, soutenez-moi d'avance au cas où je me trouverai mal ultérieurement. Veillez à ce que le faucon, effrayé par ce tapage, ne prenne point sa volée. Je crois comprendre que le duc, notre seigneur, court un danger par trahison. Tirez votre épée, maître Bibrel, et rendez-vous au combat, en ayant soin de dire que vous êtes au service de la dame de la croix Mauduit. Le duc, sauvez le duc !» Dames et gentilshommes se mêlaient sur les gradins. Cependant, l'homme qui avait joué le rôle de François de Bretagne dans la passe d'armes souleva la grille de son casque et cria d'une voix tonnante « Bretagne-Malo, à nous les Bretons, au riche duc !» « Jeannin !» fit Madame Reine, stupéfaite. « Mon père !» s'écria Jeannine. Le cheval du bon écuyer bondissait sous l'éperon. L'homme de fer était monté si vigoureusement qu'il avait déjà franchi l'enceinte avec son fardeau. Il courait en grève et se dirigeait vers le mont Saint-Michel. Fin de la section 7.